Bonjour chers auditeurs, bonjour Vincent. Bonjour Ina. Je suis Ina, conseillère des mages, et je vous souhaite la bienvenue dans Le passé habille le présent. Ensemble, explorons l'histoire de la mode sur Radioactive. Alors Vincent, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu as des jeans dans ton garde-robe ? Est-ce qu'on parle de la marque ou du pantalon ? Deux pantalons en jean. Oui, j'ai que ça. Ma garde-robe est très limitée, j'ai basiquement que ça. Ça ne m'étonne pas. En fait, le jean est un incontournable de la garde-robe mondiale. Mais savez-vous, mes chers auditeurs, qu'à l'origine, c'était un simple vêtement de travail. C'est cette histoire que je vous raconte aujourd'hui. Tout commence dans la période où tout le monde cherchait de l'or, en Californie. C'est à peu près dans les années 1850. Les chercheurs d'or, les mineurs et les ouvriers avaient besoin de vêtements très résistants pour les travaux difficiles. Et c'est ici qu'intervient Levi Strauss, un émigré bavarois. Arrivé à San Francisco dans les années 1850, il vend aux chercheurs d'or une toile robuste utilisée pour les tentes et les couvertures de chariots. Également, il vend des fournitures minières telles que des pelles et des pioches. Et il s'est rendu compte que les pantalons ne pouvaient tout simplement pas résister au travail fatigant des mineurs, puisque presque tous les mineurs revenaient de la mine avec des pantalons déchirés et en lambeaux. Les mineurs disaient en fait qu'ils ne trouvaient pas de pantalons assez résistants pour durer. Après avoir entendu ça, comme un vrai businessman, Levi décide de fabriquer des pantalons à partir de la toile résistante qu'ils vont. Mais du coup, petite question, ils étaient fabriqués avec quoi avant les pantalons que portaient les mineurs ? Ah, justement, je vais tout raconter. Un peu de patience. Alors, ils commencent à fabriquer ce pantalon, que je vais raconter un petit peu plus loin de quoi. Et les mineurs l'apprécient. Mais il a un petit problème de frottement, parce que justement, les matériaux étaient trop rugueux. Parce que c'était le matériel, comme je dis tout à l'heure, qu'ils vendaient pour faire les tentes. Et c'est un matériel effectivement très résistant et dur. Levi a fini par essayer un autre matériau, appelé toile de coton croisé, et qui était beaucoup plus confortable, mais toujours aussi résistant. Et en fait, tu sais pourquoi on appelle le tissu de Nîmes ? Pas du tout. Ah ben c'est une belle histoire. Alors, le nom du tissu de Nîmes est une déformation de l'anglais de Nîmes. Il s'agit d'une serge, un tissu résistant, originaire de la ville française de Nîmes. Ce tissu était tissé selon une technique spécifique, armure de serge, qui lui donnait sa solidité et son aspect diagonal caractéristique. D'ailleurs, tu peux regarder tes pantalons en jean et tu verras bien que le fil va comme s'il était croisé. Alors, j'ai une autre petite question. Est-ce que tu sais que le jean, avant de devenir le bleu indigo, était d'une toute autre couleur ? Je savais que le bleu indigo, c'était quelque chose d'important pour le jean, mais je ne savais pas du tout que ce n'était pas comme ça d'origine. Et bah, en effet, quand on parle de jean, on imagine immédiatement ce bleu indigo. Pourtant, les tout premiers jeans des années 1850-1870 n'étaient pas bleus du tout. Levi Strauss fabriquait initialement, comme je dis tout à l'heure, les pantalons des toiles pour tentes et bâches, qui étaient beige ou marron, clair. Et ce tissu s'appelait duck cloth, la toile de canard. C'est un tissu lourd et uni en coton. Une toile de coton bleu était utilisée déjà à Gênes, en Italie, pour les vêtements de marins, et c'était avant le denim. Et d'ailleurs, le nom jean vient de Gênes, de cette ville, mais encore déformé à l'américaine. En fin de compte, c'est un pantalon qui vient de partout. Il y a de l'allemand de par son inventeur, il y a du français de par certaines matières, de par le nom, il y a de l'italien, c'est international comme pantalon. C'est international finalement, ouais. On dit que c'est américain, mais finalement, grâce à la France, le tissu qui était quand même copié ou importé aussi de Nîmes, et la couleur jean Voilà, ça vient de gènes. Et donc voilà, la couleur indigo de gènes devient aussi la couleur de Nîmes. Et pourquoi tu penses que le bleu était si prisé par les gens qui le portaient, surtout pour les ouvriers? Pas la moindre idée. Eh bien, parce que cette couleur cache mieux la saleté, pratique pour les travailleurs, et donne un look plus uniforme. En plus, le bleu indigo se délavait avec le temps, créant des effets de contraste plus clairs aux genoux, plus foncés ailleurs. Et les travailleurs adoraient ça. D'ailleurs, j'avoue que j'adorais aussi ça quand j'étais plus jeune. Même aujourd'hui, c'est sympa, je trouve. Alors, d'ailleurs, le mot bleu jean n'apparaît qu'en 1886, dans une pub pour Levi's. Alors, le denim Levi's était résistant, mais il avait toujours un problème. Les poches se déchiraient trop facilement. Et là, un tailleur, Jacob Davis, un émigré de Lettonie, voilà, encore un autre pays qui a participé dans la fabrication de jeans, il a eu alors une idée géniale. Il renforce les points de tension, comme les coins de poche et la base de la braguette, avec des rivets en cuivre. Cette innovation simple était révolutionnaire. Et par contre, n'ayant pas les fonds pour déposer un brevet, en 1872, Davis écrit à Levi Strauss, son fournisseur de tissus. Il lui propose de s'associer. Strauss, visionnaire, accepte immédiatement. Et le 20 mai 1873, le brevet est délivré au nom de Levi Strauss and Jacob Davis. Et cela marque la naissance officielle du jean moderne. Alors, le produit final s'appelle le West Overall. Je ne sais pas si je prononce bien, mais la traduction, c'est salopette à la taille de Levi Strauss and Company. Était donc fait d'un denim teint à l'indigo et renforcé par les rivets de Jacob Davis. Et c'est d'ailleurs le futur 501. Les jeans Levi's ont continué d'être connus sous le nom de salopettes à la taille jusqu'à les années à peu près 1960. Et c'est à cette date que le terme jean a finalement été adopté. Alors, comment alors le jean passe d'un vêtement de travail à l'icône culturelle? Je pense qu'il doit y avoir, par rapport à la culture, des groupes de musique qui ont dû faire ça, ou alors par des films, certains acteurs qui sont devenus des icônes qui devaient porter ça dans des films. Je pense que c'est tout ça. La meilleure publicité, c'est tout à fait ça. Alors déjà dans les années 1930, à Hollywood, les cow-boys des westerns popularisent le jean comme symbole de virilité et d'aventure. Et puis, dans les années 1950, le jean devient un objet de désir et de liberté. On se souvient de James Dean dans Le Fureur de Vivre et Marilyn Monroe, bien entendu, en jean moulant. D'ailleurs, aux États-Unis, à cette époque, certains établissements scolaires interdisent le jean car il est associé à la délinquance juvénile. Et puis, dans les années 1960 jusqu'à 1980, le jean conquiert le monde. Il devient comme uniforme de la liberté. Les hippies, les rockers, par exemple, comme les Rolling Stones, et les mouvements féministes l'adoptent. Même les créateurs en font un vêtement de luxe. Le jean est porté par toutes les générations, toutes les classes sociales. C'est un vrai vêtement caméléon. La façon de le porter définit des styles différents. Par exemple, si on pense aux skateurs ou aux amateurs de hip-hop dans les années 80-90, ils se portent large avec des baskets et ensuite. Et il ne faut pas oublier, bien entendu, les tenues de breakdancer dans les années aussi 90. Alors, je me souviens, je dansais un peu le break, mais je n'avais pas de jean, malheureusement. Alors, j'ai une autre petite question. Sais-tu quel est le prix du jean le plus cher du monde? J'ai le droit à une fourchette à peu près? Oui. Je dirais environ 150 000 dollars. Oh, tu allais loin. Ah. Alors, en 2001, un Levi's 501 des années 1890 a été vendu à 60 000 dollars. Ça fait quand même cher le jean. Oui, oui, ça fait cher. Je ne sais pas si... je préfère peut-être acheter une voiture avec ce prix-là. Ou une petite maison. Même une petite maison. Alors, une petite devinette. Quel est le pays où le jean était interdit ? URSS, Afrique du Sud ou Iran ? Je dirais l'Afrique du Sud. Alors, on va en parler. En fait, le jean était interdit un petit peu partout. Mais il a une histoire un petit peu forte qui vient de l'Union soviétique. Ah. Si le jean est un symbole de liberté en Occident, il devient carrément un objet de contrebande en URSS, où tout est contrôlé par l'État. On sait que l'interdit est désiré. Et justement, dans les années 1950-1960, le jean est considéré par le régime soviétique comme un vêtement capitaliste, pantalon des ennemis de la révolution. Mais les jeunes rêvent en avoir un. En Union soviétique, les jeans s'achetaient au marché noir. Introduits en contrebande, ils étaient revendus par les fartovchiks à des prix exorbitants, pouvant représenter 3 mois de salaire. Et toi, serais-tu prêt à payer 3 mois de salaire pour un jean ? Pas du tout. Mais du coup, petite question, oui, si c'était un vêtement de contrebande en URSS, avec quel type de pantalon ils s'habillaient, les gens ? Ah bah toujours le pantalon de tailleur. En fait, c'était un pantalon qui était pour les fêtes et pour les événements un petit peu sérieux et pour tous les jours, tout simplement. D'accord. Et après, oui, il avait des pantalons de sport aussi. Mais beaucoup, beaucoup de pantalons de tailleur. Et dans les années 1980, 70% des jeans en URSS étaient des contrefaçons artisanales, souvent faites en tissu de parachute. Et un jour, tout change. En décembre 1987, Mikhail Gorbatchev porte un jean lors d'une visite aux États-Unis. On a vu ce geste fort comme un symbole d'ouverture de l'URSS. Alors, et comment ça se passe dans les autres pays ? En fait, tu n'étais pas très loin de l'Afrique du Sud aussi, mais je vais parler un petit peu de quelques pays. Je vais survoler le symbole de jean dans ces pays. Alors, au Japon, le jean est un objet de passion collectionné à prix d'or. En Afrique du Sud, les jeunes portaient le jean pour affirmer leur liberté et risquer d'arrestation sous apartheid. Prononciation, je ne sais pas si elle est bonne. Ils ont créé leur style, jean ample et t-shirt oversize. Donc voilà, c'était vraiment aussi interdit là-bas. En France, le jean était uniforme des manifestants en mai 68 contre l'établissement. Et aujourd'hui, on peut le retrouver chez les grands créateurs et il se porte en chic décontracté. Et en Italie, d'abord, il était méprisé comme un pantalon de paysan. Et puis, est devenu un symbole de chic et d'élégance. Pour moi, en tant que conseillère en image, le jean est une pièce incontournable. Alors, je peux créer des tenues pour n'importe quel style de client. Élégant, décontracté, sportif, rebelle, en m'appuyant sur sa polyvalence. Et voilà, chers auditeurs, le fabuleux voyage du jean à travers le monde s'achève. Il a été interdit, adoré, vénéré. Il a traversé les régimes politiques, les crises économiques et les révolutions culturelles, sans jamais perdre son pouvoir, celui de nous raconter qui nous sommes. Portez votre jean avec fierté. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez-moi, Ina, votre conseillère en style, sur Radioactive pour de nouvelles histoires où le passé continue d'habiller notre présent. Au revoir, Vincent. Au revoir, Ina, et encore merci.